La chronique du hockey mineur de Roberval avec notre ami Hugo Maltais. Salut Hugo. Salut. Hugo, si on parlait un peu, la période des fêtes arrive à grands pas et il y avait des matchs qui s'en viennent. On s'en vient vers une pause là, actuellement. Oui, on s'en vient vers une pause. On est à 2 semaines là, on est à 2 semaines du congé là, de Noël. Donc, il y a encore une fin de semaine là, assez chargée la fin de semaine prochaine. Dans la Ligue simple lettre, dans les Ligues double lettre. Puis à partir là, du 19-20, ben, on commence déjà à avoir là, une certaine réduction du nombre de parties. Donc plusieurs équipes vont jouer seulement qu'une partie. Puis pour prendre un congé, là, donc nous à Roberval, là, les équipes, là, l'aréna va se, les activités vont se faire terminer autour du 21 décembre. On va commencer là, samedi le 3 janvier. Donc on fait une pause de 2 semaines, tout le monde, toutes les équipes. Mm. Il y a certaines activités, il y a des équipes dans le temps des fêtes là, qui prennent une heure de glace pour s'amuser puis se faire des petites activités ouais. avec les parents-enfants. Mais sinon, là, à part là, les activités que des équipes veulent se faire, il n'y a rien de planifié, donc on fait relâche là, à partir de dimanche prochain, le 20. Okay. Pour déjà les vacances de Noël. Effectivement. Autre chose à ajouter, peut-être aussi dans les autres ligues, Ben là, il y avait le tournoi Mario Tremblay la semaine passée. C'est surprenant quand même que tu m'en as pas parlé dans la chronique. Évidemment, il n'y a pas de lien avec le hockey mineur, quoi? Non, le tournoi Mario Tremblay appartient à la Ligue JMS, donc appartient à la Ligue junior comparative. Contrairement aux autres équipes, ouais, ben pas aux autres équipes, mais aux autres tournois plus okay. tôt. Où est-ce que les tournois habituellement appartiennent soit au hockey mineur. Dans la plupart des cas, c'est au hockey mineur. Ça peut arriver qu'il y ait des tournois qui appartiennent à des organismes. Donc, je sais comme à Saint-Bruno, dans le temps, c'était le club optimiste qui gérait le tournoi. Mais dans le cas du tournoi Mario Tremblay, dans le junior, le tournoi appartient à la Ligue junior, donc appartient à Marcel Maltais, dans le fond. Puis c'est Martel qui gère la ligue, qui gère le tournoi, selon là, c'est ce qu'il veut avoir. Donc dans ce cas-là, nous, Marcel, ben, il a fait affaire avec le junior, il a fait affaire avec la ville de Roberval pour avoir les disponibilités de glace, donc ça, on le savait. Mais à partir de là, ben, c'est son organisation okay. Qui gère là, la partie de tournoi à Roberval puis la partie de tournoi à Saint-Bruno. Donc, c'est son organisation. Puis, je sais que ça a bien été. Ils ont été bien contents quand même là, du résultat. Puis, il y a eu quand même là, des bons matchs qui se sont joués à Roberval là, dans le junior 2A. Là, on avait Normandin qui jouait par ici. Il y avait les Port-Cartier. Roberval était là. Donc, ça a quand même donné du méchant bon calibre d'hockey, des bonnes parties serrées. Mais c'est pas nous là, qui tenait le coup de main. Nous, plutôt, on avait tout déplacé nos parties à Mastaillage en okay. fin de semaine. Donc, pour cette fin de OK. Hey, parle-moi de c'est pas étranger le fait que les sables sont de retour, que le tournoi Mario Tremblay est de retour aussi, hein? Ben c'est clair c'est, que c'est un. C'est, pas un... c'est clair que c'est un automatisme. Avant ça, ben la Ligue JMS s'organisait avec la ville d'Alma, s'organisait avec Métabetchouan et Saint-Bruno pour centrer leurs activités par là-bas. Mais n'ayant plus le Métabetchouan, ben, c'est certain que n'ayant plus cette équipe-là, tu fais en sorte que tu perds une aréna. Fait que sachant que la réponse du public est bonne au match du junior à Roberval, là, donc il attire tout le temps entre 250 et 300 personnes, donc les gens sont satisfaits du calibre. Je pense que c'était une question à pas se poser. Là, c'était facile de dire, ben, on va venir à Roberval, puis on va mettre l'équipe de Roberval à jouer. Donc, ça l'assurait là, un succès là, pour le tournoi Mario. OK. Autre chose à acheter, peut-être en terminant? Non, c'est bien. Pour le reste, ben, ouais. C'est ça, en fin de semaine, là, j'ai des équipes. J'ai une équipe Pee-Wee B qui est en tournoi à Métabetchouan. Donc, mon Pee-Wee B est là. Sinon, ben c'est tranquille. Là, on se prépare, nous aussi, également, pour notre ronde novice à tombe. Donc, on est en réunion là, pour céduler et préparer toutes nos OK. Ben, on s'en parle la semaine prochaine, les gars. Oui, Hugo Maltais, le président du hockey mineur de Roberval.